Chapitre 8e. Calvaire d'une vieille dame. L'affaire, comme souvent, commença de façon parfaitement banale par un nouvel entretien, téléphonique cette fois, avec Viard, le nouveau. « Dutilleul, vous n'êtes guère surchargé en ce moment. La routine, monsieur. »« Voilà qui est parfait. Je viens d'apprendre qu'une vieille dame vient de se faire agresser. Je voudrais que vous vous chargiez personnellement de cette affaire. » « Je sais qu'elle ne se situe pas dans votre secteur et qu'elle vous paraîtra banale, surtout pour un homme de votre trempe, mais que voulez-vous? Je brûle de vous voir enfin à l'œuvre. Comme vous êtes plutôt désœuvré et que je ne peux tout de même pas vous mettre sur les voiles de voiture, avez-vous d'autres éléments, monsieur ?»« Non, on vient tout juste de me communiquer l'information, j'ignore même son âge. »« Bien, monsieur, je me rends immédiatement sur zone. »« Très bien. » « Tenez-moi régulièrement informé, voulez-vous ?»« Par écrit. » »« Il se dit dans le service que vous avez une bonne plume. Je voudrais pouvoir en juger. »« Bien, monsieur. » »« Au fait, il n'est peut-être pas utile de prendre belle garde avec vous. On le dit très sensible. Autant lui éviter la corvée. »« Bien, monsieur. » répondit Dutilleul une troisième fois. Il raccrocha calmement le combiné, mais prit tout de même le temps de finir son thé. Une fois la tasse vidée, il s'arma de son impère. L'agression s'était produite avec une violence absolue. C'est l'image que devait à jamais garder Dutilleul. La victime, une certaine Agathe Grimbert, avait été battue à mort. Même le légiste, qui pourtant n'avait vu d'autre, sembla bouleversé. La jolie maison semblait avoir été balayée par une tornade. Partout des traces de sang. Signe que la victime avait sans doute tenté de se défendre, sans succès, hélas. Les mains ainsi que les avant-bras comportaient plusieurs coupures, très profondes, tout comme le visage complètement défiguré. Les agresseurs, car Dutilleul ne pouvait imaginer qu'il n'y en eût qu'un seul, s'étaient particulièrement acharnés. La maison avait été méthodiquement dévastée, ce qui donna involontairement un timing assez précis à Dutilleul. L'agression de la vieille dame s'était sans doute produite en début de soirée, car le sang avait eu le temps de sécher par endroits. La maison avait ensuite été systématiquement saccagée. Pas entièrement, toutefois. Seule la table de la petite salle à manger avait été épargnée, ce qui rendait l'effet difficilement compréhensible. Le couvert était mis pour trois personnes. La vaisselle était belle et de prix. Les verres étaient en cristal. Deux pour chaque personne, signe qu'il n'y avait pas d'enfants. Au milieu, un splendide bouquet de fleurs épargnait lui aussi. Les fleurs encore étaient fraîches, sans doute du jour. Mieux, l'eau encore bien fraîche avait visiblement été changée. La nappe, dans tout le désordre ambiant, paraissait outrageusement immaculée et les sièges étaient sagement alignés. Pour ce qu'il y avait autour. Autour, un incroyable déchaînement de violence, une rage aveugle et destructrice. Tous les tableaux avaient été systématiquement pulvérisés, les cadres, en métal ou en bois, réduits en pièces. Le contenu d'un buffet avait été vidé et piétiné, partout des débris de verre. Dans la chambre contiguë, le matelas était éventré, draps et couvertures lacérées, un vieux fauteuil avait perdu son rembourrage. La petite cuisine était ravagée de la même manière. Il y avait tant de débris qu'il était impossible d'y pénétrer. Toujours la même rage dans la salle de bain. Dans les toilettes, les restes d'une lettre calcinée que Dutilleul fit immédiatement prélever. Point des plus troublants, il trouva tous les moyens de paiement bien en évidence dans l'entrée. Les chéquiers avaient été méthodiquement déchirés et les cartes coupées en morceaux. Le vol n'était donc pas le but de l'agression. Alors, quel avait bien pu être le mobile d'un tel carnage? Dutilleul eut immédiatement un mauvais pressentiment. Contrairement à ce qu'avait affirmé le petit con, l'affaire ne s'annonçait pas banale. Il interrogea un des policiers sur place pour savoir qui avait découvert le corps. Il lui fut répondu que l'alerte avait été donnée par un coup de téléphone anonyme. Dutilleul sentit un début de migraine lui tarauder les tempes. La journée ne serait pas des plus faciles. Il en eut hélas confirmation le lendemain matin quand il appela le légiste. Aucune empreinte, n'est-ce pas ? « Aucune, monsieur. La table a été dressée par la morte elle-même. C'est ce que je craignais. Pas de fibres étrangères. Non. Le travail, si je puis dire, a été bien fait. J'ai le sentiment qu'ils étaient au moins deux. C'est également mon sentiment, même si je le répète, rien ne permet de le démontrer. De quoi est morte la victime ? Elle a eu le crâne défoncé, mais on s'est acharné après la mort, comme si la tuer ne suffisait pas. C'est vraiment incompréhensible. Oh, vous savez, par les temps qui courent. En dehors de la table, y avait-il quelque chose de récupérable ? Non, rien. Tout a été détruit. Toutefois, j'ai un point à vous signaler. Je vous écoute. La carte d'identité de la victime a disparu. Vous en êtes sûr ? Absolument. Vous pensez bien qu'on a fouillé partout. La lettre ? La lettre ? Trois fois rien. Un dépliant publicitaire sans aucun intérêt. Je peux vous le communiquer si vous le voulez. Je ne sais pas. Plus tard, peut-être. Eh bien, je vous remercie, Levesque. N'hésitez pas à me rappeler s'il y a du nouveau. Ok. Mais ça m'étonnerait qu'il y en ait. Dutilleul vit Bellegarde un peu plus tard. Il y a quelque chose de pas net dans cette affaire, chef. Je suis bien de votre avis. Il y a comme un air de défi, une allégresse dans la destruction. Qu'avez-vous appris au sujet de la vieille dame ? Pas grand-chose, en fait. Agathe Grimbert, âgée de 68 ans, un problème à la hanche qui aurait sans doute nécessité une intervention dans le futur, mais pas tout de suite. Bonne condition physique, très soignée. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Voulez-vous que j'aille voir la famille ? Non, Bellegarde, je vais m'en charger. Mais j'aimerais assez que Girardin s'occupe d'interroger le voisinage. Il est toujours très bon dans ce domaine. Un blouson couvert de sang fut découvert dans le jardin en toute fin d'après-midi. Il fut analysé aussitôt. Quelques gouttes de sang de la victime furent découvertes. Ces informations furent ensuite transmises à Dutilleul. Il fallut une semaine supplémentaire pour donner un propriétaire au blouson. Seulement, il était à peu près impossible à ce propriétaire, un certain Richard Dacroux, d'avoir commis l'agression. Il était lui-même à l'hôpital. Dutilleul décida d'aller l'interroger en personne, mais peine perdue, Richard Dacroux venait de décéder à son tour quelques heures plus tôt. Il avait 17 ans et 2 mois.